tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, nouvelle écoute. Black America, cette fois, Le Feu. Une série de François-Xavier Trégan réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série enregistrée en 2016, il y a le départ d'Obama, le découragement et la colère qui monte à chaque Afro-Américain tué par la police, quelles que soient les circonstances. Alors, pendant que se termine le mandat de Trump et après la mort épouvantable de George Floyd, il faut prendre le pouls de cette Amérique noire et se souvenir de la décennie qui vient de s'écouler. Alors pour commencer, les personnages, un jeune photographe, un autre plus âgé, un galeriste, un militant qui veut se fondre, des chercheurs et des étudiants. Ensuite, le décor. Une galerie, des manifestations, des points levés, la voix de Barack Obama, les ruelles de Brooklyn et au loin, toujours les sirènes de police. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est le moment du discours. Thank you. James Baldwin a écrit un jour: alors que le récit de la façon dont nous souffrons, sommes heureux et pouvons triompher n'est jamais nouveau. Il doit toujours être entendu. Aujourd'hui, comme tant de générations l'ont fait avant, nous nous rassemblons sur notre mall national pour dire une partie essentielle de notre histoire nationale, une partie qui a parfois été oubliée. Nous ne venons pas juste pour aujourd'hui, mais pour toujours. Ce 24 septembre 2016, le président Obama inaugure à Washington le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine. Après 8 années de présidence, le bilan des 2 mandats d'Obama sur la question raciale est mitigé. Alors en campagne électorale, en 2008, le candidat Obama avait insisté sur les progrès accomplis depuis l'émancipation. Mais il avait aussi rappelé tout le chemin de justice et d'égalité qui restait à parcourir. Mieux reste insuffisant, disait-il alors. À peine élu, le président avait fait broder sur un tapis de la Maison-Blanche la citation du théologien anti-esclavagiste Theodore Parker : l'arc de l'univers moral est long, mais il tend vers la justice. Huit ans, un documentaire de François-Xavier Trégan et Rafik Zénine. Je m'appelle Stephen Kasher et ma galerie, la Stephen Kasher Gallery, se trouve à Chelsea, sur la 26e rue à New York. Ce soir, on inaugure l'exposition photographique de Ruddy Roy, « Quand vivre est une protestation ». C'est en relation avec la deuxième inauguration de ce soir, « Le pouvoir au peuple, les Black Panthers ». Ce sont des photographies de Stephen James et des graphiques d'Emery Douglas. Je m'appelle Ruddy Roy, je suis Jamaïcain et je vis à Brooklyn. « Quand vivre est une protestation » est ma première exposition ici à New York. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le titre de cette exposition ? Je crois que c'est Albert Camus qui a dit « Quand les gens doivent vivre dans l'amertume », je ne le cite pas correctement, mais quand ils doivent vivre leur vie entière dans l'amertume, ils commencent à prendre goût à la malchance. Et quand les gens souffrent beaucoup, toute leur vie devient une malchance. Et donc, je sors tous les jours pour déposer mon fils à l'école. Et je vois tous ces gens allongés dans la rue, mendiant. Et je me demande comment ces gens se sentent, comment cela les affecte. Et donc j'ai commencé à rassembler des images de tout ça dans ma ville, dans ma communauté de Bed-Stuy. Et j'ai compris que tu pouvais faire ce que tu voulais, mais Brooklyn est grand, et partout à Brooklyn, le nombre de SDF et de chômeurs est élevé. Et partout à Brooklyn, vous voyez des gens qui sortent des centres d'hébergement et se retrouvent à déambuler dans la rue. Et vous vous demandez, mais qui s'occupe d'eux ? Donc j'ai commencé à documenter ce phénomène. Et j'ai commencé à Brooklyn d'abord, mais partout où je suis allé, à Dallas, à Los Angeles, Baltimore, partout où je suis allé, j'ai commencé à prendre des photos et partout, on voit la même chose. Vous vous réveillez à 9h du matin et ce sont les mêmes visages. La personne peut être différente, mais elle a le même air. Ses habits sont négligés, vous pouvez voir la fatigue sur tout son corps, vous pouvez voir qu'elle a faim. Et je devais photographier ces visages et j'ai commencé à m'asseoir avec eux, à leur parler, pour comprendre comment ils en étaient arrivés là. Combien de temps vous a pris ce travail documentaire ? Ça m'a pris 4 ans. Un mandat du président Obama. Mon nom est Frédéric Harris. Je suis professeur en sciences politiques, directeur du Centre des politiques et de la société afro-américaine à l'Université de Columbia. Professeur Harris, vous êtes enseignant en sciences politiques. Quel regard portez-vous sur les deux mandats du président Obama sur la question noire ou la question raciale aux États-Unis ? Il y a de grosses tensions raciales aux États-Unis aujourd'hui. Certains veulent blâmer le président Obama. Mais ces tensions raciales sont le résultat de ce que nous appelons ici aux États-Unis une réaction raciale. Le président Obama représente le succès des Afro-Américains et des autres personnes de couleur. Et il y a toujours eu cette sorte de cycle de l'histoire dans la vie américaine quand il s'agit de relations raciales. Un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, nous en sommes au moment des deux pas en arrière. Nous avons un candidat à la présidentielle, M. Trump, qui a utilisé la race, la religion, la xénophobie, l'islamophobie pour diviser la nation. Mais en même temps, nous vivons en ce moment un mouvement social très actif, comme Black Lives Matter, qui repousse ces tensions raciales qui bouillonnent aux États-Unis. Pensez-vous que des mouvements comme Black Lives Matter peuvent influencer la vie politique et les politiciens aux États-Unis ? Ils l'ont déjà fait. Je pense que le mouvement Black Lives Matter a en quelque sorte sauvé la présidence d'Obama au sujet des races et des différences raciales aux États-Unis. Beaucoup de personnes oublient qu'en 2008, le président Obama n'a pas arrêté de dire qu'il était le candidat de toute l'Amérique et pas juste de l'Amérique des Noirs. Il parlait de l'importance de mettre en place des politiques qui aideraient tout le monde et non de cibler une communauté spécifique comme les Afro-Américains. Et durant toute cette période des montées de tensions raciales, particulièrement autour du problème des violences policières, La jeunesse afro-américaine et un groupe ethnique multiracial s'est rassemblé pour créer Black Lives Matter et répondre à cette montée des tensions raciales et à l'incapacité, quelle que soit la raison, du président Obama de parler de la question raciale. Et donc, Black Lives Matter a été très important dans le processus politique parce qu'il a fait ce qu'un président noir n'a pas été capable de faire en deux mandats ou que des membres noirs du Congrès n'ont pas été capables de faire bouger dans l'agenda politique afin de discuter ouvertement du racisme institutionnel. Ils ont été capables de bouger l'agenda politique vers une réforme de la justice pénale parce qu'avant l'apparition de ces mouvements, ce problème était marginalisé par la politique américaine. Les Noirs de ce pays, et les Noirs à parler strictement ou légalement n'existent dans aucun autre, doivent, dès le premier instant où ils ouvrent les yeux sur ce monde, apprendre à se mépriser. Le monde est blanc, et ils sont noirs. Les blancs détiennent le pouvoir, ce qui signifie qu'ils sont supérieurs aux noirs, c'est-à-dire intrinsèquement que Dieu en a ainsi décidé, et le monde a mille façons de leur faire voir et sentir et redouter cette différence. Bien avant que l'enfant noir ne le perçoive, et plus longtemps encore avant qu'il ne la comprenne, il a commencé à en subir les effets, à en être conditionné par elle. Tous les efforts que font ses aînés pour préparer l'enfant à un sort auquel ils ne peuvent le faire échapper amènent celui-ci à commencer à attendre, muet et terrifié, et sans se rendre compte de ce qu'il fait, son mystérieux et inexorable châtiment. Il doit être sage, non pas seulement pour faire plaisir à ses parents, et pas non plus seulement pour n'être point puni par eux. Derrière leur autorité s'en dresse une autre, anonyme et impersonnelle, infiniment plus difficile à satisfaire et d'une cruauté insondable. Et ceci pénètre la conscience de l'enfant à travers le ton de la voix de ses parents, tandis qu'ils lui expriment leurs encouragements, leurs réprimandes, leur tendresse. Par l'irrépressible et soudaine note de peur qu'il reconnaît dans cette voix lorsqu'il s'est égaré au-delà d'une certaine limite. Il ne connaît pas cette limite et ne peut se la faire expliquer, ce qui déjà est assez effrayant. Mais la peur qu'il entend dans la voix de ses parents est plus effrayante encore. James Baldwin. Earl Douglas est tout de noir vêtu, des pieds à la tête. Le directeur exécutif de la Black Rock Coalition veut se fondre dans la masse, s'extraire du stéréotype. C'est une question de survie. Je porte ces habits pour une raison particulière. Je porte une veste, des habits sombres, basiques, un pantalon noir ou un jean noir, des chaussures noires. La casquette est le dernier signe de mon ancien style. T-shirt, jeans, blouson en cuir, tout ça. Si je portais un blouson en cuir et un jean, dans le métro, les gens s'éloigneraient. Si j'entrais dans un magasin, je serais suivi. On me demanderait, « Je peux vous aider, monsieur ?» C'est classique. « Can I help you ? Can I help you, sir ?» Like, constantly, can I help you, sir? I'm like, I'm a consumer. I kind of know what I'm doing. I switched to this because it J'ai changé de style parce que cela change la réaction des gens. It got a different response. Leur réponse. It got, for some reason, people, for a long time, people thought I was. Pendant un moment, sans aucune raison, les gens pensaient que j'étais un policier. Même les policiers eux-mêmes. Part of the experience. Like, I had to change my whole style of dress. Ça fait partie du jeu. J'ai dû changer la façon dont je m'habille pour tuer un stéréotype. J'ai commencé à faire ça quand j'avais la vingtaine, et j'en ai 40 aujourd'hui. On m'a dit un jour que je correspondais au profil. Mais quel profil? Un jeune homme noir dans la vingtaine portant t-shirt et jean? J'étais ce genre-là, ok, je ne suis jamais allé en prison, je n'ai jamais rien fait de mal. Je suis la personne la plus droite qui puisse être. Mais j'ai dû changer toute ma garde-robe pour ne pas correspondre au profil. Et vous portez à votre revers le drapeau américain. J'ai commencé à porter le drapeau sur ma veste. Ça fait partie du projet. Et c'est rigolo, j'ai commencé à voir des réactions bizarres face à ce drapeau. Je travaille à Times Square et les policiers pensent que je fais partie des services secrets ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est juste un accessoire. Je suis aussi américain que n'importe quel blanc. Je porte le style américain. Any right winger, I was like, you know what, we're Americans too, and I think that's something that. J'imagine que c'est quelque chose que le mouvement Black Lives Matter essaye de dire aussi. Vous savez, on est Américains aussi. Nos vies comptent aussi. Nous avons les mêmes droits que vous. La Constitution s'applique pour nous aussi. On peut faire un petit tour de l'exposition, c'est possible? Donc ce sont des photographies couleur dans un format carré, un format 6-6. Une dame, t-shirt débardeur blanc, qui lève le poing droit, levé au ciel. Elle est plein cadre, au centre de la photographie. This was shot in Cleveland. I was on my way to the... Cette photo a été prise à Cleveland. J'étais en chemin pour la convention des républicains avec d'autres manifestants. Et pendant que le cortège évoluait, cette femme se tenait là au milieu. Et elle restait là, le poing levé. Et je suis attiré par la protestation silencieuse, par les gens qui sont capables de capturer l'imagination des choses, même sans bruit, quelle que soit la nature des manifestants. Without being boisterous, able to. Et elle se tenait là, et je me revois marchant vers elle. Et j'ai senti que je devais prendre une photo d'elle. Or whatever the nature of the protesters are. And she just stood there, and I remember walking up to her and just feeling like I needed to get a picture of her. As she stood there, elle ne disait pas un mot. Elle levait simplement son poing haut, et le cortège l'a dépassée. Et elle a attendu jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Le visage de cette femme est fermé. Elle porte sa main gauche sur le nombril et sa bouche est également fermée. C'est un visage très, très hiératique. There's something since I did write it down. The Albert Camus quote says, "When a soul suffers." Il y a une citation d'Albert Camus qui dit « Quand l'âme souffre trop, se développe un goût pour la malchance. » Et l'autre qui dit « Le seul moyen de vivre dans un monde sans liberté est de devenir tellement libre que votre existence même est un acte de rébellion. » Et en tant que photographe, j'ai marché avec ces phrases dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, mais je photographie surtout des hommes. Sans doute parce que je lutte, je travaille aussi sur la question de qui je suis en tant qu'homme noir aux États-Unis. Mais je suis attiré par le fait qu'on n'a aucune idée de comment être noir. On pense qu'il n'y a qu'une seule façon de se réaliser en tant qu'homme noir. Je parlais avec un homme dans la rue il n'y a pas longtemps. Je lui ai demandé pourquoi il voulait changer. Il a répondu qu'il voulait plus d'argent pour pouvoir en dépenser plus. Et je lui ai demandé, tu ne veux pas en économiser un peu? Il a dit qu'il gagnait $1,200 par mois. Et quand nous nous sommes penchés sur son budget, il pouvait facilement économiser $600. Mais il avait 19 ans. Et il disait, non, je veux le dépenser, je veux acheter des chaussures. Et je dis, non. Et quand j'ai parlé à ces hommes dans la rue, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de figure paternelle dans leur vie. Et c'est comme ça que la vie est en réalité. Les meilleurs conseils qu'ils reçoivent viennent du coin de la rue. Quelqu'un vient et te dit, je peux t'aider à gagner 1000 dollars par jour. J'ai parlé à beaucoup de jeunes qui m'ont dit que le risque d'aller en prison valait le coup d'être pris. Et vous savez, j'ai parlé à beaucoup de jeunes qui ont dit que le risque d'aller en prison The risk of going to jail is worth it, is actually worth it. I am not saying Je ne dis pas que les lacunes ne persistent pas. Évidemment, si. Le racisme persiste. L'inégalité persiste. Et si vous aviez à choisir un moment pour être, pour citer Lorraine Hansberry, jeune, douée et noire en Amérique, vous choisiriez maintenant. Le 7 mai 2016, Barack Obama s'adresse aux diplômés de l'université Howard. Howard, surnommé la Mecque noire universitaire. Je vous dis tout cela parce qu'il est important de remarquer le progrès. Parce que refuser de voir jusqu'où nous sommes arrivés ne serait pas rendre service à la cause de la justice, aux légions de fantassins. Pas seulement à tous ceux qui ont incroyablement réussi et qui ont déjà été mentionnés, mais à vos mères, vos pères, vos grands-parents et arrière-grands-parents qui manifestèrent et travaillèrent et souffrirent et triomphèrent pour rendre ce jour possible. Je vous dis cela non pas pour vous endormir dans l'autosatisfaction, mais pour vous inciter à l'action. Parce qu'il y a encore tant de travail à faire, tant de kilomètres supplémentaires à parcourir. Oui, aucune autre économie au monde n'est sortie plus forte de la crise que la nôtre. Mais il y a des gens de toute race qui souffrent encore, qui ne trouvent toujours pas de travail qui rapporte suffisamment pour garder les lumières allumées. Ils ne peuvent toujours pas économiser pour leur retraite. Nous avons encore un gros décalage racial dans les chances d'économie. Le taux de chômage est de 5%, mais le taux de chômage des Noirs est presque de 9%. Nous avons encore un décalage au niveau de la réussite, quand les filles et les garçons noirs obtiennent leur diplôme dans les lycées et universités en moins grand nombre que les garçons et filles blancs. Harriet Tubman, certes, va vers ses 20 ans, mais nous avons encore un écart quand une femme noire travaillant à plein temps gagne encore juste 66% de ce qu'un homme blanc gagne. Nous avons un vide dans la justice. Quand trop de garçons et de filles noires passent à travers un pipeline depuis les écoles manquant de financement jusqu'aux prisons surpeuplées. C'est un secteur où les choses ont empiré. Quand j'étais à l'université, environ un demi-million de personnes en Amérique étaient sous les verrous. Aujourd'hui, il y a environ 2 millions d'eux. Les hommes noirs risquent environ 6 fois plus d'être en prison maintenant que les hommes blancs. Professeur Harris, toutes ces questions sont au cœur du débat aux États-Unis depuis maintenant des années et des années. Pourquoi finalement les choses ne changent pas ou si lentement depuis des décennies ? Je pense que plusieurs choses doivent évoluer en même temps pour rendre cela possible. Je pense que l'émergence de Barack Obama comme premier président afro-américain a fait naître beaucoup de racistes violents. Et en un sens, cela a augmenté les tensions raciales. Parce que je pense qu'il y a une sorte de rancœur raciale. Mais cela est couplé avec une anxiété concernant l'économie, particulièrement pour la classe ouvrière blanche. La plupart d'entre eux soutiennent M. Trump. Ils le voient comme un symbole pour les gens comme eux. Ils ne se sont pas reconnus dans le système politique. Personne n'accorde d'importance à leurs problèmes. Il y a un président noir, les gens parlent du fait qu'il y aura peut-être une femme présidente, il y a l'enjeu LGBT, mais personne, je crois, ne parle pour eux. Et Trump symbolise cela. Une partie de tout ça crée de la rancœur raciale, même si pour les Afro-Américains, c'est en quelque sorte un pas en avant et deux pas en arrière. Pour beaucoup de Blancs dans le pays, l'idée qu'il y aurait des avancées pour les Noirs veut dire que quelque chose leur sera retiré. Mais je crois aussi que beaucoup d'Afro-Américains pensent que la politique électorale sera la réponse. Est-ce qu'il est guide dans le système politique et le mouvement des droits civiques, qui est un mouvement de protestation? Et ironiquement, alors que nous avons le premier président noir des États-Unis, un mouvement de protestation émerge et met en lumière la question de la réforme du système judiciaire. Donc je pense qu'une des raisons au peu d'attention portée à ces enjeux est que les Afro-Américains et les autres minorités ont été trop dépendants de la politique électorale comme un moyen pour eux d'exprimer ces importantes questions politiques. Et en quelque sorte, il y a beaucoup de barrières institutionnelles à cela, parce que certains représentants sont plus loyaux envers le Parti démocrate qu'envers les intérêts de leur communauté. Et lorsqu'ils deviennent un élément important du parti, et nous l'avons vu avec Barack Obama, ils commencent à moins parler de race, parce qu'ils ont la charge d'une plus grande circonscription. Donc la protestation compte en tant que Français, vous le savez. Cela peut modifier l'agenda et ça peut être très important, même à l'époque du premier président noir des États-Unis. Vous avez écrit un livre fameux qui a été très discuté aux États-Unis en 2012, donc à la fin du premier mandat du président Obama, dont le titre était « Barack Obama, la montée et le déclin de la politique noire ». Quel titre donneriez-vous à un nouvel ouvrage au terme du deuxième mandat du président Obama ? Je voudrais d'abord vous dire d'où vient le titre. Il vient d'un recueil d'essais de James Baldwin. Il était un expatrié, il a passé de nombreuses années en France. Et l'idée du prix du ticket est que pour les immigrés européens qui viennent aux États-Unis, le prix de leur admission est en quelque sorte d'adhérer à la doctrine raciale des États-Unis. Et j'ai commencé à réfléchir à quoi pensait Baldwin. Le prix du ticket pour le premier président noir de ce pays est de rester silencieux à propos des questions d'inégalité raciale. Et s'il y avait un second volume, il porterait sur la montée de la politique noire, dans le sens où ces jeunes dans la rue, qui protestent autour des enjeux de Black Lives Matter, ont inscrit à l'agenda ces questions politiques. J'espère, quel que soit le prochain président, je ne suis pas sûr que Donald Trump serait d'accord avec cette position, mais les questions autour du racisme institutionnel doivent être au centre du débat. Vous savez, des gens d'origine africaine sont dans ce pays depuis plus de 300 ans. Et nous sommes au 21e siècle face aux mêmes problèmes qui réapparaissent encore et encore. C'est quelque chose dont les leaders politiques et les activistes doivent s'occuper. Parce que le prix du silence à propos des inégalités raciales est un prix que beaucoup de gens ne sont pas prêts à payer. Il me semble que cela fait longtemps que des Noirs habitent, par exemple, dans la ville de New York. Au cours des 15 dernières années, cette ville s'est reconstruite, a démoli des immeubles pour en bâtir de plus grands. Et elle n'a absolument rien fait d'autre que de construire des logements sociaux, essentiellement dans les ghettos, pour les Noirs. Et les Noirs, bien sûr, les détestent. Les enfants ne les supportent pas. Tous veulent quitter ces ghettos. Si les prétentions américaines étaient fondées sur une analyse plus honnête de la vie, les Noirs n'assimileraient pas le terme de renouveau urbain au fait de se retrouver jetés à la rue, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est une chose terrible lorsqu'un peuple entier en vient à accepter l'idée qu'un neuvième de sa population est composée d'êtres inférieurs. Tant que nous, Américains, n'aurons pas accepté le fait que mes ancêtres soient à la fois noirs et blancs, que sur ce continent, nous tentions de construire une nouvelle identité, que nous ayons besoin les uns des autres, que je ne sois pas un pupille de l'Amérique ni un objet de charité missionnaire, mais une des personnes qui ont construit ce pays. Tant que ce moment ne sera pas arrivé, le rêve américain a peu d'espoir de se concrétiser. Si l'on refuse à certains le droit d'y prendre part par leur seule présence, ils détruiront ce rêve. L'Occident vivra alors un moment très grave. My stories are about the flag. Cette série de photos est à propos du drapeau, dans un pays où nous avons un grand débat à propos du drapeau. Oui, vous faites référence au débat qu'il y a depuis quelques mois sur le respect ou la remise en cause du drapeau et de l'hymne national, et notamment des sportifs ou des personnalités qui refusent maintenant, lorsque l'hymne retentit, de se lever et de mettre la main sur le cœur en signe de protestation. Des Noirs américains, à cause notamment des violences policières. Je suis allé vers les gens qui portaient le drapeau et je leur ai demandé pourquoi ils le portaient. Et la majorité a répondu que c'était parce qu'ils se sentaient américains. Ils ressentaient qu'il y avait assez d'égalité en droit pour porter le drapeau. Cependant, c'est une réaction en 2016. Donc j'ai questionné cette fierté de porter le drapeau. Et cette histoire parle donc des petites bribes de la culture noire et de l'histoire américaine noire. J'essaye de trouver un moyen de raconter l'histoire des petites gens. And I'm really just trying to find a way to tell the little man's story. Je n'irai pas jusqu'à dire que Jim Crow, l'inspirateur des lois raciales, est de retour. Mais je peux dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je ne crois pas que défiler soit une manière assez forte de protester. Dans les années 60, défiler était une protestation parce que ce n'était pas autorisé. Personne ne donnait d'autorisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons mettre nos sénateurs et les membres du Congrès au travail. Nous devons voter des lois. On a même besoin d'être encore plus radicaux, de camper sur nos positions. Sur les armes, on ne devrait pas être complice en ce qui concerne les armes. Mais ce que j'ai appris, particulièrement cette année, c'est que les choses vont prendre du temps. Et l'évolution ne se fait pas comme ça. Ça va prendre du temps. Et je vais me contenter de faire ce que je dois faire. Je vais continuer de m'asseoir avec Steven Kasher ici et voir si nous pouvons poursuivre ce débat. I'm Stephen Shaines. I'm the photographer who did the pictures for the exhibit and the book. Je suis Stephen Shaines. Je suis le photographe qui a fait les photos pour l'exposition et le livre Power to the People, le pouvoir au peuple. J'étais aussi le photographe du parti Black Panthers. Bobby Seale est un mentor pour moi et grâce à lui, j'ai eu un accès incroyable au parti. Vous pouvez voir des photos qui sont prises du point de vue du public, comme la photo d'Angela Davis, mais il y a aussi beaucoup de photos prises derrière la scène, des choses privées que personne ne possède à part moi. Parce qu'ils n'autorisaient pas les médias habituels dans leurs bureaux ou ailleurs. Que ressentez-vous en tant que photographe lorsque vous revoyez vos photos, mais dans le contexte actuel de l'Amérique? I feel these pictures still have resonance because most of the issues, the Panthers had a 10-point. Je sens que ces photos ont encore aujourd'hui une résonance particulière. Vous savez, les Panthers avaient un programme en 10 points qui parlait de logement, d'emploi, de responsabilité publique, du système judiciaire, de la police et de la santé. Bien sûr, il y a quelques exceptions. D'abord, il y a plus de Noirs élus. Aujourd'hui, bien sûr, le président des États-Unis est un Afro-Américain. Donc, il y a eu du progrès sur ces points. Dans les universités, il y a des départements pour les études sur les Noirs. Vous savez, j'ai grandi dans les années 60, où il y avait toujours la ségrégation aux États-Unis. Mais à part ces quelques exemples, les choses sont les mêmes. Tous les jours, je vois dans les journaux des jeunes Noirs sans armes tués. Je parle de jeunes hommes noirs sans armes, tués par la police, au moins deux fois par semaine. Les logements ici sont mauvais, les Noirs sont affectés par le chômage, mais pas seulement eux. Jobs, you know, and it isn't just black people are affected by jobs. I mean, the new economy has. La nouvelle économie n'est vraiment pas favorable aux classes moyennes. Tous ceux qui n'ont pas eu accès à l'éducation supérieure ou ceux qui vivent dans un milieu ouvrier n'ont plus de travail maintenant. C'est triste quelque part. Je ne pense pas beaucoup à ça, mais quand j'ai commencé ce livre, j'ai dû y penser encore. C'est sad in some ways. When I didn't think about it a lot, but when I sat down to do the book, I had a think about all these things again, and if you read the book, the last chapter, si vous lisez le dernier chapitre du livre, si vous regardez les 10 points du programme à la lumière d'aujourd'hui, c'est là que c'est frappant. The 10 points, bringing it up to today, and that's when it really hit me. When I really, you know, you think about, you're not thinking about it every day. Vous savez, je pense à ça tous les jours, ça vous affecte. J'ai presque 70 ans, je suis blanc, la police ne m'embête pas. Vous voyez ce que je veux dire? You know what I'm saying? So. I'm not as active as I was, back then. Je ne suis plus aussi actif que je ne l'étais à l'époque. Et quand je me suis posé pour écrire le livre, j'ai commencé à faire des recherches, lire des articles, et j'ai réalisé que c'était très triste. 50 ans et nous n'avons toujours pas vraiment vu de progrès. Et maintenant, avec cette nouvelle élection présidentielle, le racisme qui sort de la bouche de Donald Trump et de ses partisans est vraiment choquant. Pour moi, c'est très triste parce que nous avons vécu les années 60, il y a eu de l'optimisme avec Luther King, les Panthers, même avec Obama quand il a été élu président. Mais maintenant, je regarde autour de moi et je me demande, vous savez, on doit se demander si la race humaine va un jour réussir à vivre ensemble. Professeur Harris, vous citiez James Baldwin à propos de son ouvrage « The Price of the Ticket ». Il est l'auteur d'un ouvrage fameux « La prochaine fois le feu ». Il y a quelques semaines, de jeunes auteurs américains ont publié un ouvrage collectif « Le feu, maintenant le feu est à nos portes, The Fire This Time ». Pensez-vous que le président Obama peut endosser une responsabilité dans une situation décrite par ces jeunes écrivains, que le feu est là? Je ne sais pas s'il a vraiment allumé le feu. Je pense cependant que ce qui a en partie déclenché le feu est le fait que beaucoup d'Afro-Américains, en particulier des jeunes, ont vu comment la nation a manqué de respect à Barack Obama. Il y avait ce bon sentiment en 2008. C'était presque la deuxième proclamation d'émancipation. Les États-Unis ont essayé de montrer qu'ils ont dépassé leur racisme en élisant un homme d'origine africaine aux États-Unis. Yes, we can, disait le slogan. Et quelque part entre 2008 et aujourd'hui, beaucoup ont dit au président « No, you can't ». Non, vous ne pouvez pas. Donc je pense que l'illusion que nous vivions dans une société post-raciale a finalement abouti à cette négation. Cela combiné avec les problèmes du traitement des Afro-Américains par la justice pénale et la police, en particulier les personnes à la peau foncée et de façon générale les pauvres. Et je me demande ce que Jimmy Baldwin penserait aujourd'hui. Jimmy Baldwin est de retour. Il a été mis en sommeil pendant des décennies durant lesquelles les débats sur le racisme étaient mis de côté parce que les gens pensaient qu'il y avait eu de grands progrès. Beaucoup de gens, quand ils pensent aux années 60, pensent à Martin Luther King pour sa philosophie de la résistance par la non-violence, ou à Malcolm X, qui parlait de l'importance du nationalisme noir. Pour les jeunes de Black Lives Matter, ces gens-là sont des icônes. Celui qui leur parle le plus, c'est une personne comme Jimmy Baldwin, parce qu'il disait la vérité sur le pouvoir, quoi qu'il arrive. Et donc je me demande ce qu'il penserait. J'espère qu'il penserait la même chose. Vous savez, nous avons payé le prix du ticket. Mais Jimmy Baldwin est très inspirant. Et La prochaine fois, Le Feu est un livre très important. Mais je pense que nous devons reconnaître que ce sont les jeunes qui allument ce feu, qui rappellent à la nation son histoire esclavagiste, la ségrégation sociale. Nous sommes encore dans cet héritage. Rudy nous rejoint. On va essayer d'avoir juste un mot parce que c'est l'inauguration officielle de l'Expo Photo. Rudy and Stefan, exactly. What did you? I told them I couldn't stand your work. No, I'm kidding. I told them I love it. I mean, I see him as like, you know. Je le vois comme la prochaine génération, comme mon fils photographe, vous voyez. J'ai fait ça et maintenant il fait ça comme s'il était mon fils qui prendrait un appareil photo et voudrait continuer à faire la même chose. Bien sûr, c'est une période différente, il n'a pas à le faire de la même façon. Je n'ai pas interviewé des gens à l'époque comme il le fait, nous faisons les choses différemment. Mais si vous regardez les images, les visages sont les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Quand il faisait ça, il n'avait aucune idée du pouvoir que ça avait. Il savait que c'était important, mais ne se rendait pas compte que les gens allaient graviter autour de son travail parce que c'est tellement puissant. Et ça fait sens aujourd'hui. Et dans cette galerie, c'est la rencontre entre deux générations de photographes documentaires. Steven, il y a beaucoup de portraits. Ces portraits, je pourrais les prendre aujourd'hui. Regardez cet enfant noir. Un jeune, un adolescent, 15 ans, 16 ans, qui regarde les mains posées sur le buste et qui porte un regard très dur, très droit, qui ressemble énormément au regard d'ailleurs d'une photo précédente dans l'autre salle de Rudy Roy, ce vieux monsieur qui était dans la rue et qui se levait à 9h du matin pour chercher la nourriture. Les choses restent les mêmes. Quelque part, je crois que rien n'a changé dans toute l'histoire de l'humanité. Chaque garçon de la rue, et j'étais moi-même un garçon de la rue, alors je sais, lorsqu'il regarde la société qu'il a produit, les valeurs et principes que personne ne respecte, lorsqu'il regarde vos églises, le gouvernement et les hommes politiques, comprend que cette structure fonctionne au bénéfice d'un autre, pas de lui, qu'il n'y a pas sa place. Et s'il est véritablement rusé, impitoyable et volontaire, et beaucoup d'entre nous le sont, il devient alors une sorte de criminel. Il devient une sorte de criminel parce que c'est la seule manière pour lui de vivre. Harlem et tous les ghettos de cette ville, de ce pays, sont remplis de gens qui vivent en dehors de la loi. Des gens qui pour rien au monde n'appelleraient la police, ni ne songeraient à écouter un instant les représentants de ces professions que nous célébrons avec tant de fierté chaque 4 juillet. Ils se sont totalement et définitivement détournés de ce pays. Ils comptent sur leur vivacité d'esprit pour vivre, et attendent avec impatience le jour qui verra s'écrouler cette structure. Tout cela pour dire que les hommes noirs ont été amenés ici en tant que main-d'œuvre bon marché. Ils étaient indispensables à l'économie. Afin de justifier le fait que l'on traitait des hommes comme des animaux, la République blanche s'est lavé le cerveau afin de se persuader qu'ils étaient effectivement des animaux et méritaient d'être traités comme tels. Par conséquent, il est presque impossible pour un enfant noir de découvrir quoi que ce soit concernant sa véritable histoire. La raison est que cet animal, dès lors qu'il entrevoit sa propre valeur, dès lors qu'il se croit un homme, commence à mettre à mal l'ensemble de la structure du pouvoir. C'est pour cette raison que l'Amérique a passé tant de temps à maintenir l'homme noir à sa place. Professeur Harris, vous devez échanger probablement avec vos étudiants ici à l'Université de Columbia sur le fait d'être jeune et noir aujourd'hui et à New York, pas dans une petite ville du Sud. Qu'entendez-vous quand ils vous parlent, que vous parlez, que vous échangez avec eux ? Beaucoup de jeunes viennent me parler, même ceux qui ne sont pas mes élèves ou qui ne sont pas de l'université. Ils expriment un sentiment de déception à notre époque. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Nous devons nous rappeler que ces étudiants étaient au collège en 2012 et encore plus jeunes en 2008. Et ils ont vu ce moment historique. Ils pensaient qu'ils vivaient alors dans une nation post-raciale. Et je pense que ce que ce pays est devenu pendant leurs années formatrices et de socialisation, c'est un pays raciste de façon endémique. C'est un choc moral pour eux. Et je pense que c'est de là que vient leur sens du pessimisme. Mais ce que j'espère, c'est que le sens de l'activisme, de la lutte, produit aussi un sens de l'optimisme. Et ce qui est bon à propos de ça, c'est qu'ils ont un bon aperçu de ce qu'est l'entreprise ou la société américaine. Ils réalisent des changements et ce qu'ils font compte. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont conscience de leur impact sur la politique américaine à propos de ces questions de race. Par exemple, nous avons deux candidats démocrates à la présidence qui sont sur la même ligne pour parler de la persistance des inégalités raciales. Avec un candidat noir en 2008, il y avait beaucoup de questions à propos du racisme. Grâce à eux, défilant dans la rue, portant ces questions sur les campus à travers le pays, ils ont apporté ce que les économistes appellent une rectification à cette idée que nous vivons dans une société post-raciale. Et même s'ils ne voient pas, comme disait le Dr. King en 1968, pendant son dernier discours, « J'ai un rêve, je ne serai peut-être pas là pour le voir ». Pour ces jeunes, ils ne le verront peut-être pas sur le moment, mais dans le futur, leur activisme va payer pour rendre l'Amérique meilleure. Et je pense qu'ils seront là pour le voir, et la leçon qu'ils vont apprendre à leurs enfants et à leurs petits-enfants est qu'il va falloir lutter politiquement de façon constante pour que ce pays devienne juste pour les Noirs et les autres personnes de couleur. There will be a Negro president in this country. There will be a Negro president in this country. Why do you say that? We can't get jobs, how are we going to be a president? Got me. But I want you to think about this. There will be a Negro president of this country, but it will not be the country that we are sitting in now. But if you say to yourself that there never will be a Negro president of this country, then what you're doing is agreeing with white people who say you are inferior. It's not important, really, you know, whether or not there's a Negro president. I mean, in that way. What's important is that you should realize that you can become the president. There's nothing anybody can do that you can't do. Au printemps 1963, James Baldwin part à la rencontre de la communauté afro-américaine à San Francisco. Un jeune l'interpelle. Il n'y a jamais eu de président noir dans ce pays. Nous ne trouvons pas de travail. Alors comment voulez-vous qu'on devienne président ? L'écrivain hésite puis lui répond. Si, si, il y aura un président noir dans ce pays, mais pas dans ce pays que nous connaissons aujourd'hui. Alors ne donnez pas raison à ces Blancs qui disent que vous êtes inférieurs. Vous pouvez devenir président. Le 26 juin 2015, le premier président noir des États-Unis entonne dans une église de Charleston « Amazing Grace ». Barack Obama veut rendre hommage au pasteur noir et aux 8 paroissiens abattus quelques jours plus tôt par un partisan de la suprématie blanche. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a Clementa Pinckney found that grace. Cynthia Hurd found that grace. Susie Jackson. Et là, vous avez 19 ans. Michel, vous avez 18 ans. Vous êtes toutes les deux étudiantes à l'Université de New York et membres de la Black Student Union. Vous avez essentiellement grandi sous la présidence de Barack Obama, sous ses deux mandats. Quel regard portez-vous sur le président Obama et son action concernant ce que l'on appelle aux États-Unis the race issue and the black issue? I think that it was amazing to grow up with a president that looked like me. I have a brother who's 9 years old. Je pense que c'était génial de grandir avec un président qui me ressemblait. J'ai un frère qui a 9 ans et durant toute sa vie, il a eu un président noir. Pour moi, c'est quelque chose dont je n'aurais jamais rêvé avant. Je me rappelle du jour où il a été élu. Ma mère est entrée dans ma chambre en pleurant. Nous nous sommes serrés dans les bras. Nous avons ouvert la fenêtre et tout le monde criait dans la rue. Les voitures klaxonnaient. Vous savez, je ne pense pas qu'il ait tout résolu, parce que je ne pense pas qu'une seule personne puisse tout résoudre. Le racisme est un problème que nous connaissons depuis que ce pays est établi. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez régler du jour au lendemain. Mais juste voir que nous sommes allés assez loin pour avoir un président noir, en dépit de tous les problèmes auxquels il doit faire face, c'est un pas en avant énorme, je pense. Et je suis fière de dire que j'ai vécu à une époque où j'ai pu voir cela. Et j'espère que je pourrai le revoir encore et encore. Je me souviens du moment où Barack Obama était candidat pour la première fois. Et vous n'êtes pas supposé normalement amener quelqu'un dans l'isoloir avec vous, mais ma mère m'a amené avec elle, et nous avons pressé le bouton en même temps. Nous avons voté en même temps, même si je n'avais que 9 ans. Et c'était génial de le voir gagner, de pouvoir dire « mon président est noir ». C'est génial d'y penser maintenant. Mais c'est aussi très important de souligner que même si notre président est noir, et même si ça a été un grand événement, il y a toujours beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le début de la fin. C'est juste quelque chose de merveilleux qui est arrivé, dont nous pouvons nous souvenir, mais qui doit nous pousser à aller plus loin. Je pense que c'est très important de se rappeler ça. Avec Stephen Kasher, galeriste, Rudy Roy, photographe, Frédéric Harris, professeur de sciences politiques à l'Université de Columbia, Earl Douglas, directeur exécutif de la Black Rock Coalition, Stephen Shames, photographe historique des Black Panthers, Michel Jones et Tyler Leach, de la Black Student Union de l'Université de New York. Merci aux voix de France Culture pour les doublages. Merci à Robert Worth et June Ratley. Lecture, Georges Kless. Prise de son, Pierre Quintard. Mixage, Philippe Brodin et Clotilde Thomas. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Carvran. 8 ans,